Salut Rachel, chante un coup pour voir. Thank you. Thank you. Thank you. if he had a mind. At least we cannot hear anything, and that's a clue for sure. Yann, on t'entend pas. Ni Lulu, ni Yann, ni personne, on n'entend personne. Thank you. Thank you. Juste un petit coup de fil, deux secondes, à Yann le Rouge pour savoir ce qu'il en est. What about Yann le Rouge? Just go. Yeah. Feel free to make some music. I'll be right back. T'avais appuyé sur le petit haut-parleur en bas et tout, hein. Mais est-ce que toi tu t'entendais au moins? Et ben alors, il suffisait d'appuyer sur le petit haut-parleur là. Mais si en face du bouton rouge il y a le petit haut-parleur monitoring, il faut que tu appuies sur on ou alors sur auto. Que ça m'est arrivé la dernière fois. Je coupe la... Ouais. Ouais, il y a un M rouge. Un bouton rouge, un rond rouge. Et si à côté, si tu appuies sur ce bouton, c'était plus un bouton rouge. Mais non, si tu l'entends, c'est ça. Non, ça, avec 58.4, j'entends bien. Ah ouais, d'accord. 58, il est mort, thank you. Thank you. Mm-hmm.